Proverbe chapitre 15. La réponse douce apaise la fureur, mais la parole fâcheuse excite la colère. La langue des sages embellit la science, mais la bouche des fous profère la folie. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, contemplant les méchants et les bons. La langue qui corrige, est comme l'arbre de vie, mais celle où il y a de la perversité, est un rompement d'esprit. Le fou méprise l'instruction de son père, mais celui qui prend garde à la répréhension, deviendra bien avisé. Il y a un grand trésor dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans le revenu du méchant. Les lèvres des sages répandent partout la science, mais le cœur des fous ne fait pas ainsi. Le sacrifice des méchants est en abomination à l'Éternel, mais la requête des hommes droits lui est agréable. La voix du méchant est en abomination à l'Éternel, mais il aime celui qui s'adonne soigneusement à la justice. Le châtiment est fâcheux à celui qui quitte le droit chemin, mais celui qui est d'être repris, mourra. Le sépulcre et le gouffre sont devant l'Éternel, combien plus les cœurs des enfants des hommes. Le moqueur n'aime point qu'on le reprenne, et il n'ira jamais vers les sages. Le cœur joyeux rend la face belle, mais l'esprit est abattu par l'ennui du cœur. Le cœur de l'homme prudent cherche la science, mais la bouche des fous se repaît de folie. Tous les jours de l'affligé sont mauvais, mais quand on a le cœur gai, c'est un banquet perpétuel. Un peu de bien vaut mieux avec la crainte de l'Éternel, qu'un grand trésor avec lequel il y a du trouble. Mieux vaut un repas d'herbe où il y a de l'amitié, qu'un repas de bœuf bien gras où il y a de la haine. L'homme furieux excite la querelle, mais l'homme tardif à colère apaise la dispute. La voie du paresseux est comme une aie de ronce, mais le chemin des hommes droits est relevé. L'enfant sage réjouit le père, mais l'homme insensé méprise sa mère. La folie est la joie de celui qui est dépourvu de sens, mais l'homme prudent dresse ses pas pour marcher. Les résolutions deviennent inutiles où il n'y a point de conseil, mais il y a de la fermeté dans la multitude des conseillers. L'homme a de la joie dans les réponses de sa bouche, et la parole dite en son temps, combien est-elle bonne. Le chemin de la vie tend en haut pour l'homme prudent, afin qu'il se retire du sépulcre qui est en bas. L'Éternel démolit la maison des orgueilleux, mais il établit la borne de la veuve. Les pensées du malin sont en abomination à l'Éternel, mais celles de ceux qui sont purs, sont des paroles agréables. Celui qui est entièrement adonné au bien des honnêtes, trouble sa maison, mais celui qui est les dons, vivra. Le cœur du juste médite ce qu'il doit répondre, mais la bouche des méchants profère des choses mauvaises. L'Éternel est loin des méchants, mais il exauce la requête des justes. La clarté des yeux réjouit le cœur, et la bonne renommée engraisse les os. L'oreille qui écoute la répréhension de vie, logera parmi les sages. Celui qui rejette l'instruction, a en dédain son âme, mais celui qui écoute la répréhension, s'acquiert du sens. La crainte de l'Éternel est une instruction de sagesse, et l'humilité va devant la gloire.